هذا مدخول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبين يا عاصمة أجاب هذا مدخول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبين يا عاصمة القصبة لراس المول القواس والجنينة مرصا قبلة البحور Déjà quitté, ils ont fait les mythos. Poto c'est récité, fallait se lever tôt. Y'a des PC tas, donne-nous la médaille. Comme Léonidas, pour les miens, j'pourrais taille. Rouda, maliche, je finis ma rendiche, ils m'ont jeté cousin. Bouda, fictif, j'suis connu en Allemagne comme le Leverkusen. Yeah. Baby, baby, my lib, t'as volé qalbi. Baby, baby, j'vais te raconter ma vie de Arabi. Baby, baby. Béjaïa City du haut de ma montagne Mercedes-Benz qu'on a fait venir d'Allemagne pour faire le film galé. Elle est belle, la vie est belle comme l'Algérie vue du ciel. Élevé à la haine, la misère m'a rendu opérationnel. Trouve pas le sommeil, livré à moi-même comme un migrant au milieu des heures internationales. Je traverse le parc où j'ai joué vendu. Chant de chez Hermès, je rentre au PMU. J'ai besoin de danger pour me sentir en vie. J'accélère dans le Guinée même les jours de pluie. Baby, baby, baby. My lib, t'as volé qalbi. Baby, baby, baby, je te raconter ma vie de harbi. La la la la, moi j'ai fait halal la la. La la la la, là c'est la mala la la. La la la la, moi j'ai fait halal la la. La la la la, là c'est la mala la. Dur, dur, dur. Avec Halal.